Yo, yo, yo, okay, c'est où ça? Yo, yo, j'ai besoin d'un 38 ou un 45, j'ai un fuck, man. Yo, hook me up, man. Ouais, j'ai besoin d'une arme, veux gras, quoi. T'as rien? Yo, yo, yo, yo. Non, dans 200-300 $, quoi. Ouais. Ah, j'ai rien pour toi. 200-300. Mais yo, Elou, rappelle-moi plus tard, j'étais avec une dame. Ouais, non, rappelle-moi plus tard. Je peux peut-être avoir un 9 mm usagé pour ça. Ouais? Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Babylone, maintenant que t'as un gun. Chrome 2, clip, une boîte de balle, là tu tries. Cherche un power trip, clic, clic. Tu passes la journée à jouer avec, à laver, à planifier ton premier hit. Comment tu vas sortir, comment tu vas agir. Hey les enfants, je suis mes frères. Tu sens dans tes affaires. Monte en haut, dis allô à ton père, ta mère, ta soeur, ton petit frère. Fais ta prière, mange ton souper, ton dessert. Tourne en bas, joue avec ton revolver. Mets les balles dedans, tu prends pour Lucifer. Tu regardes dans le miroir, pis pow. Sans savoir, t'appuies sa gâchette, la balle fait un ricochet. Là, tu capotes, serre ton gun, monte en haut en hypocrite. Sous prétexte que tu sais pas ce qui s'est passé. Mais ta mère est couchée par terre, avec une balle en tête, c'est bête. Mais comme ça, tu voulais un gun, tu trouves ça le fun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Dans Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Dans Babylone, maintenant que t'as un gun. Ton quartier en a un, fait qu'un plus, joue un moins, ça change rien, cool. T'achètes un 38 avec deux clips, mais tu tripes pas. Dis pas à personne 38, c'est à toi, pour toi, tu prends pas pour le roi. Tu veux juste que personne prenne ce qui est à toi, puis je comprends ça. Fait que tu commences à te porter sur toi partout, si tu vois ton attitude, change un peu ta confiance en toi. Tout est pour le mieux, sauf avec ta blonde. Elle veut pas que tu te promènes avec un gun, c'est normal qu'elle bougonne, sa blonde. Fait que t'accord, tu vas la voir. Tu l'amènes à quelque part pour y montrer comment ça marche, un gun. Tu tires deux, trois coups, elle tire deux, trois coups. Elle aime toujours pas les guns, mais elle trouve ça le fun. Vous faites l'amour dehors, à côté ça tu revois. Pis là, ta blonde veut tasser le gun. Elle pointe par mauvais bord, la dernière balle la perfore. Elle tombe par terre, elle pleure. Vu que c'est pas un film, elle meurt. Elle pis le bébé parce qu'elle était enceinte de toi. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Dans Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Dans Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Tu veux tes respects, tes props. J'suis comme Tupac, pack, tu prends le boss avec ton Glock. Tu dévisages tout le monde sur ton passage, sauf les cops. Sur jouer ton cours, rendez-vous, tout le monde t'armé des fusils à pont. Dans des études à guitare, des machettes, des guns. Vous allez veiller tard à soirée, dit. As-tu amené de la bière? Pourquoi? J'ai envie de boire. Toi puis ton coup, faites les fous. Personne vous teste, vous êtes ben trop fou. Mais là, y'a un autre crew qui rentre dans le métro. Le monde se dévisage, ça regarde. Qui va brancher le premier? Qui va commencer le carnage? Miracle, personne parle. Prochaine station, Mère et UQAM. Ouf, ça sent la cam, pis bang. Tu perds ton calme, sors ton âme parce que quelqu'un regarde ta dame. Tout ton coup se massacre, criblé, tiré, blasté. T'es le dernier, tu t'es pas encore fait tirer, mais là, t'as plus de balles. Tu regardes le gars droit dans les yeux. Tu sais que tu vas mourir juste parce que t'as voulu jouer au dur. Bon! Là, tu fais dur. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Dans Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Dans Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Dans Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Dans Babylone, maintenant que t'as un gun. Dans Babylone, même si t'as pas de gun. Dans Babylone. You know the time, baby. Yeah.